lumière s'agite à mon plafond. Allongé sous les pierres, ce soir je me morfonds. Cependant qu'une mouche résine des carrés et que mon nez se bouche si peu désinfecté. Et les murs se dilatent comme un estomac plein. Pendu à ma cravate, je tourne dans mon coin. Je sais la porte est fausse, papier mâché carton. Les souvenirs se désossent accrochés au plafond. Mais le plafond, il n'y a pas de plafond. Et les murs montent à l'infini. Le plafond, il n'y a pas de plafond. Et les murs montent à l'infini. Après Pâques, et muni de ma matraque, je me promenais sans entrain. j'entends de drôles de craquements. Et j'entrevois l'éléphant. Nous sommes les éléphants, toujours gais, toujours contents. Mais maintenant c'est désolant, revoilà ce conte Tarzan. Ce pauvre Tarzan est désolant. Thank you. Jamais, jamais. ceci n'était qu'un songe, un cauchemar hallucinant. Et malgré l'angoisse qui me ronge, je vais me lever vaillamment. Je mets mes lunettes, je ferme la fenêtre, j'allume le chauffe-eau et je fais couler. Et maintenant, que vais-je faire avec un crocodile caché dans mon lit? Jamais, jamais, je désespère, je ne pourrai rester à Paris. Cette vie.